m'affare. Tautor est de Torquemada, le diminutif plein de charme. Et quoi, vous n'êtes point parti, l'étourderie est sans égal. Vous souvient-il plus qu'aujourd'hui, il faut aller régler comme chaque jeudi les horloges municipales. Mais quelle heure est-il donc? Comment? Que voulez-vous? Les horloges, monsieur, on n'entend plus leur coup. Ce serait à devenir fou. Pourquoi, depuis que je vous en réclame une pour ma chambre à coucher, garder ici ces deux horloges catalanes? Si vous croyez que c'est léger, une horloge est facile à prendre. De force musculaire, oui, vous avez sujet de vous montrer avare, ou du moins ménager. Vous n'en avez pas à revendre. Mais plus longtemps, ne faites pas attendre les balanciers municipaux. J'ai mes outils, j'ai mon chapeau. Pardon, monsieur, pardon, la manche à tout.